Audiomatique. Spread the terror. Le groupe canadien Frontline Assembly amorçait cette transmission 3-4-2 d'Audiomatique avec leur composition Laughing Pain que l'on retrouve originalement sur le EP pour la pièce The Blade qui est parue en 1992. Audiomatique se poursuit sur un mélange de musique électronique et de bandeau néon, qui est en fait un instrument similaire à l'accordéon. Et ce bon mélange, c'est le projet argentin Metapana qui nous l'offre. Thank you. First, I think one must be careful in observing that meditation is not something that you do. Meditation is something entirely a movement into the whole question of our living. That's the first thing. Cette séquence composée d'une seule pièce était l'œuvre du projet Metapana mené par l'artiste argentin Nicolas Salinas. Sa composition Nomada, que nous avons écoutée, est disponible sur le profil Bandcamp de son projet au Metapana, M-E-T-T-A-P-A-N-A, donc metapana.bandcamp.com. La suite d'Audiomatique s'incarnera cette fois à travers la musique du duo Dzolkin. Ce dernier segment musical à Audiomatique comprenait seulement une pièce qui s'intitulait Akbal et qui était l'œuvre du duo Zolkin, qui est formé des personnes derrière les projets Flint, Glass et Ampuse. Audiomatique se poursuit sur la musique du duo berlinois Cluster. Thank you. toujours à Audiomatique. Cette séquence d'une seule pièce est l'œuvre de Cluster, un des groupes forts ayant œuvré du côté plus expérimental du mouvement krautrock dans les années 70. La pièce que nous avons entendue, qui se nomme Im Zuden, est tirée de l'album intitulé tout simplement Cluster 2, paru en 1972 et qui, comme son nom l'indique, est le deuxième album produit par Cluster. La dernière pièce de cette transmission 3-4-2 d'Audiomatique s'intitule XYU et sera interprétée par le groupe américain The Smashing Pumpkins. On la retrouve sur son troisième album Melancholy and the Infinite Sadness, lancé en 1995. La transmission 343 d'Audiomatique remplira les ondes du 89.1 FM mercredi prochain dès 17h pour sa diffusion en direct, alors qu'elle remplira un espace virtuel préconçu dans nos archives par la suite, celle-ci étant disponible par l'intermédiaire de nos profils facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc The Smashing Pumpkins et la pièce XYU. C'était Audiomatique avec les sonoristes.